Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من المقدمة أي البخومي باب كتاب التوحيد ونعديس عبارة عن مقدمة مهمة في التوحيد فلهذا المؤلف رحمه الله لابلي كتاب التوحيد وخلاصة هذا الباب عندما نغيبيز le résumé de ce chapitre et qu'est-ce qu'on retire de ce chapitre. تفضل. نعم أن أعظم الحقوق le plus grand حق c'est le حق الله سبحانه وتعالى إساء التوحيد. ما الدليل؟ تفضل. دليل أوضح في الحق. قوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حق العباد حق الله على العباد لا يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أحسنت. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا. كذلك من الفوائد. Qu'est-ce qu'on a retiré؟ تفضل. أن حكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. أحسنت. أن الحكمة من خلق الجن والإنس أي pourquoi الله سبحانه وتعالى il a créé le jinn wal ins pour هذه الحكمة العظيمة une énorme sagesse أي التوحيد عبادة الله وحده. ما الدليل؟ تفضل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك تفضل. أحسنت. أن هذه الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل. Tous les messagers, tous les prophètes, ils ont été envoyés عليهم الصلاة والسلام pour rappeler هذا التوحيد. أي adorer Allah seul. ما الدليل؟ أحسنت. ماذا؟ On a cité d'autres choses. تفضل. التحذير عن الشرك. نعم. التحذير من الشرك. Pourquoi? Le lien entre التحذير من الشرك et ce باب كتاب التوحيد. Continue. أن الشرك أعظم محرمة. Par rapport au التوحيد. يحبط التوحيد. نعم. أن الشرك يحبط جميع الأعمال ومنها التوحيد. Ça annule toutes les œuvres. Et parmi les œuvres, التوحيد. فالشرك الأكبر سأنيل التوحيد. ما الدليل؟ par rapport au shirk de ce bab. تفضل. أحسنت. وعبد الله ولا تشرك به شيئا. سبحانك الله سبحانه وتعالى إلى أن تغدي الشرك. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد إلى ست أبواب qu'on lira ensemble بإذن الله في الشرك. Et ce genre de révision, ça vous montre l'importance de l'hivd. Et ça vous montre l'importance de ad-dirasa, la compréhension. Fal-hivd, ça te permet de citer ad-dalil. Quand on demande ad-dalil, vous l'avez appris par cœur, vous pouvez le citer. Wa ad-dars, ça vous permet la compréhension du dalil. Anna, tu cites le dalil à sa place. Limada li annaka, tu l'as compris, walillahilhamd. C'est ça l'ilm. حفظ وفهم. Bien sûr, tout ça fondé sur l'ikhlas. Va continuer l'apprentissage et la révision. أما اليوم فإن شاء الله نقرأ الباب الأول. Qui c'est qui le récite قبل أن نبدأ؟ تفضل. Celui qui l'a appris par cœur. الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الرحمن باب فضل التوحيد وبيت في كل الدين وقول الله تعالى الذين هم بربهم لا يشركون. لا أعد ربيت قوله تعالى الذي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أعد بل وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أحسن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وجنة حق ونار الحق أدخله الله جنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في الحديث عدة فإن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعمرهن غيري وأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لديهن لا إله إلا الله أبو محب وحكيم وسحح والجمل وحسنه وعن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أحسنت قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Donc après avoir cité rahmatullah alayh dans le premier bab qui était le muqaddima at-tawhid ay jumlatan ay la résumé at-tawhid annahu c'est a'zam al-huquq annahu c'est al-hikmah من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس أنه سأعظم الواجبات أن الشرك سأكونتخدي ست أوبليغاسيون عظيمة التوحيد في هذا الباب إس الأول شيخ الإسلام رحمه الله ذكر شيئا من فضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب تكفير الذنوب سينفضل من فضائل التوحيد قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية شيخ الإسلام رحمه الله لسيتي لأن فيها فضل عظيم للتوحيد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أولا أنصت مناسبة هذا الباب pourquoi شيخ الإسلام il a cité ce chapitre dans ce livre كتاب التوحيد قال شيخ الفوزان حفظه الله لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. Après avoir cité التوحيد, son obligation, et c'est la cause pour laquelle Allah سبحانه وتعالى nous a créé, المؤلف رحمه الله, il cite ce باب juste après pour te démontrer les bienfaits, les mérites de هذا التوحيد. Pour t'encourager, ayyuhal muslim, à faire des efforts. C'est une obligation. Allah t'a créé que pour ça. Et fil haqiqa, c'est pour ton bien. Celui qui fait des efforts fi tawhid, qui meurt à la tawhid, il a tout gagné. Celui qui vise avec ce tawhid, bi'idnillahi azza wa jal, il aura une vie tayyib. Plus l'insan il s'écarte de ce tawhid, plus il s'écarte de la guidée. Plus l'insan, iyadun billah, il s'écarte de ce tawhid, plus il se rapproche du châtiment. Iyadun billah. Hada tawhid lahu fada'il azima. Et Cheikh al-Islam, il a cité ses preuves pour argumenter, pour démontrer les bienfaits de hada tawhid al-azim. Il a cité قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى Munasabatu al-aya li-tarjama. Et on répète, Anna, dans le premier dors, on avait expliqué, Anna, al-manhadiya qu'on va employer fit tadris, et la façon d'enseigner, d'étudier ce livre qu'on va employer, nahnu, c'est de citer le dalil et awwalan citer le lien entre ce dalil et la tarjama. On répète, la tarjama, c'est le chapitre, le titre. هنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فدان سو فيرسي الان فيه ان فضل عظيم من فضائل التوحيد. قال شيخ العثيمين رحمه الله ان الله اثبت الامن لمن لم يشرك والذي لم يشرك يكون موحدا فدل على ان من فضائل التوحيد استقرار الامن. استنباط جميل. شيخ الاسلام رحمه الله il a cité ce verset pour te démontrer anna min fadha il tawhid qawluhu azza wa jalla lahum al amn wa hum muhtadun. Fa fi al haqiqa on a deux choses. Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité aw nahnu on a cité sa parole annahu il a cité al amn et kadhalik qawluhu azza wa jalla wa hum muhtadun. Fa min fadha il tawhid anna celui qui applique ce tawhid, celui qui l'apprend awwalan, il y en a pour appliquer une chose, faut la connaître. فله الأمن. الأمن c'est la sécurité, la paix. في الدنيا وفي الآخرة. الأمن في الدنيا أنه ce مؤمن, ce موحد il sera tranquille في الدنيا. ولو s'il est touché par la pauvreté. ولو s'il est attaqué par des ennemis. من أعداء الله. ولو s'il est accusé. ولو s'il est éprouvé. Il sera في أمن وأمان. لماذا؟ لأنه قلبه, son cœur, il est rempli de tawhid. فلا يضره كيد الأعداء ولا طعن الحاقدين. Ça lui fait aucun mal في الحقيقة. لماذا؟ لأن son cœur il est plein de هذا التوحيد. كذلك وهم مهتدون أنه il sera guidé. فمن أعظم أسباب الهداية أيها المسلم, si tu veux être guidé في هذه الدنيا, أي en suivant le chemin de l'islam الحقيقي, Islam, ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'islam qui a été révélé dans le Coran. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Si tu veux être guidé ila hada al-islam al-haqiqi, fais des efforts fi tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvrira les portes de la compréhension. Il te facilitera un cheikh, un professeur, un frère qui s'entraide avec toi pour comprendre. Il te facilitera la mise en application. Et c'est muhim. Tout ça, en appliquant هذا التوحيد. بقي السؤال. Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله عليه, on a cité sa parole pour montrer les bienfaits du tawhid. لكن اين التوحيد في الايه؟ اما les bienfaits ou les mérites لهم الامن وهم مهتدون. لكن اين التوحيد؟ عند من؟ تفضل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم. اين التوحيد؟ الذين امنوا. Hey, qu'est-ce qu'ils ont, الذين آمنوا? Ils ont l'Iman. L'Iman, c'est le Tawhid. L'Iman بالله عز وجل, c'est le Tawhid. L'Iman بالله وبرسوله وبكتبه إلى آخره. فالذين آمنوا, في الحقيقة, إثبات, أي ils ont l'Iman. كذلك, continue, la suite. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا النفي. نفي ماذا؟ في يعبدوا غير الله. من أين أخذت هذا؟ بظلم. الظلم سي كوا؟ شرك. أحسن. الذين آمنوا أي زون الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بالشرك, لأن الله عز وجل قال كما في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم, la plus grande injustice, c'est الشرك. فالسلوي كي كخوا الله سبحانه وتعالى إيمان جازم بيقين, une conviction sûre, et كذلك s'écarte du ظلم du شرك بالله عز وجل, فهذا سام وحيد. C'est quoi sa récompense, les mérites؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد, الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. Donc, al-zulm, ما يقابل الإيمان. C'est l'opposé de l'Iman. ولهذا قال عز وجل الذين آمنوا ثم le contraire. Est-ce qui contredit هذا الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالمؤمن c'est un مؤمن لماذا لأنه سموحد. أما الشرك بالله الشرك الأكبر ça se rassemble pas avec l'Iman. فالإنسان إما c'est un مؤمن إما c'est un كافر. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. إيمان وكفر. فريق في الجنة فريق في السعير. فالله سبحانه وتعالى لست الإيمان اسكي كونتخدي الإيمان أي هنا الشرك. تعلمون أن الظلم يا بلوزيور نيفو. Le plus grand ظلم c'est الشرك. La plus grande injustice. لماذا لأن الظلم l'injustice c'est de mettre une chose qui n'est pas à sa place. C'est ça l'injustice. Parce que ceux qui adorent autre qu'Allah, ils font du dhulm. C'est avant dhulm, akbar dhulm. Et quand il y a dhulm, un niveau inférieur, bain al-ibad, matalan wahed, qui vole à quelqu'un, c'est bien. C'est du dhulm. L'imad al-annahu, ça ne lui appartient pas. On fait attention, nahnu, à l'injustice la plus grave. Ash-shirku billahi azza wa jalla. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Ces deux hadith Ubadah ou hadith عتبان رضي الله عنهما, ils sont clairs في بيان un فضل parmi فضائل التوحيد. نعم قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التمهيد وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل. هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de عمل. لا. على ما كان من العمل أي même s'il est مقصر. Même s'il a des faiblesses. Même s'il a des manquements. Même s'il a manqué certaines choses. Fahada, si il a haqqaq al-tawhid. Lianna au début du hadith, man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est ça tawhid. Fahada, sa réponse, ou sa récompense, qala alayhi salatu wasalam, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Même s'il est muqassir. Même s'il faisait des péchés. Et bien sûr, d'autres points qu'on ne détaillera pas dans le hadith. Anna Isa, Abdullah wa Rasuluhu ila akhir. Tout ça, ça fait partie de Aqidat al-Mu'min. Wahuna, Qawluhu, Adkhalahu Allahu al-Jannata ala ma kana min al-amal. Ne pas comprendre, min hada, Anna al-Muslim, yatahawan, il ne donne pas d'importance à le fait de s'écarter des ma'asi. أنه يقول أنا جسوم موحد جدرك الله سبحانه وتعالى et il se laisse aller au niveau des معاصي. لا لأن المعاصي تجر بعضها بعضا. Les péchés c'est très grave, ça affaiblit le cœur, ça affaiblit l'Iman. Et un péché il appelle un autre et ربما الإنسان يهلك بسبب ذنوبه. Ne pas comprendre هذا. كذلك قوله أدخله الله الجنة تعلمون on l'a déjà cité أن دخول الجنة il est على قسمين وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى dans d'autres أبواب أن وعظ المؤمنين ils rentreront directement الجنة وبعض المؤمنين ils rentreront في الجنة لكن après un passage في النار صلى الله العافية تعلمون أن النار عذاب النار إلى شديد. الإنسان المؤمن العاقل الذي يريد الخير لنفسه il fait tout pour faire partie de ceux qui rentreront في الجنة directement. بل il y a un groupe يدخلون الجنة ils rentreront في الجنة بغير حساب ولا عذاب sans rendre de compte et sans se faire châtier. Et Ça viendra dans les chapitres suivants, inshallah ta'ala. Al-muhim, anna hada al-hadith fiha fadl azim. Anna celui qui veut rentrer al-jannah, et chaque mu'min il veut rentrer al-jannah. C'est notre but à tous, en tant que mu'mini. Et on sait que cette vie c'est un passage. A'lam anna al-tariq, le seul chemin, la seule clé pour t'ouvrir les portes de hadith al-jannah ba'da rahmatillahi azza wa jal wa fadlihi, c'est hada al-tawhid. Chaque mouhid y rentrera fil jannah. Et chaque mouchrik qui est mort, bien sûr, à la shirk al-akbar, qui n'a pas fait tawbah, fahada iyadam billah, il est min ahli al-nar. Thumma qal, walahuma fi hadith itban, fa inna allaha harram ala al-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bithalika wajha Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات أن السلبي كم على التوحيد فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله السلبي كي يدخل الصوفي إبغني de هذا العذاب عذاب النار. Le seul moyen, la seule façon, le seul chemin, c'est تحقيق هذه الكلمة والعمل بها لا إله إلا الله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم il a cité une des conditions, الإخلاص, qu'on a étudié ensemble ولله الحمد في الواجبات. يبتغي بذلك وجه الله. Ça nous montre أن التوحيد c'est une كلمة باللسان et c'est une croyance dans le cœur. Kadhalik, c'est une mise en application avec les membres. C'est ça le tawhid, c'est ça l'iman. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. Thumma qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. An an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Musa ya Rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم والصححة وللترمذي وحسنه إلى آخره هذا الحديث فيه ضعف ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وكذلك ضعفه الإمام مقبل بن هادي في التتبع لأوهام الحاكم لكن تقدم معنا أن الأحاديث الضعيفة qui sont cités في كتاب التوحيد on l'a cité هذه المسألة est-ce qu'il y a un حديث ضعيف في كتاب التوحيد اعلم أن في هذا الكتاب كتاب التوحيد on cite cette فائدة لأن on a le premier حديث فيه ضعف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى il a cité plusieurs ahadith في هذا الكتاب une centaine et beaucoup de ces ahadith elles sont في الصحيحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو autre que الصحيحين et c'est des ahadith صحيحة وبعض الأحاديث فيها ضعف لكن كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في شرحه قال الاستدلال على نوعين استدلال للتأسيس واستدلال للتأييد لكن الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب أي في كتاب التوحيد من قبيل المؤيدات من قبيل لا من قبيل الأساس كلام جميل أن العلماء quand ils écrivent des livres ils citent des أحاديث et في كتاب التوحيد des versets pour te citer الحكم مثلا هنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب شيخ الإسلام il a cité le verset ثم il a cité un hadith في الصحيحين et كذلك حديث عتبة il est كذلك في الصحيحين حديث صحيحة لا شك فيها لكن ça arrive que العلماء ils citent des hadith pour renforcer une chose ou pour citer une فائدة لكن le حكم il est déjà basé sur le hadith auparavant. أما un hadith ضعيف لا أصل له qui n'a aucun fondement qui contredit une ibada ou un fondement de l'islam enfin, tu ne trouveras pas fi kitab al-tawhid. Tu peux trouver mitla hada al-hadith, hadith qu'on vient de lire, hadith Abu Sa'id, fihi dha'f. Lakin, tu trouveras que ce dha'f, fi al-haqiqa, il a un shahid, il a quelque chose qui l'appuie dans un verset du Coran ou dans un autre hadith. Fa matalan hada al-hadith, il a un shahid, surtout la fin. قوله عليه الصلاة والسلام لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. في الحقيقة أن شاهد من حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن ست أم كي avait beaucoup de péché et qui avait une hasana بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله et tous ces péchés dans un plateau de la balance, et cette carte sur laquelle il y a écrit « La ilaha illallah » d'un autre côté. Et le plateau où il y avait la carte de « La ilaha illallah », il a été plus lourd que tous ses péchés. C'est un shahid pour la fin du hadith. « Wa illa » ce hadith avec « Hada al-siyaq » « Fafihi dha'f » Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil « Alayhim rahmatullah » « Wa ghayruhuma illan dha'f » On finit كلام شيخ محمد أمان من باب الفائدة قال بدليل في كل ترجمة يبدأ المؤلف إما بآية أو بأحاديث صحاح ثم يأتي بعد ذلك أحيانا بحديث ضعيف أو بأثر. Et on a un exemple dans notre chapitre. Un cheikh l'islam il cite un verset en général. ثم il cite un hadith صحيح et ça arrive qu'il cite un hadith ضعيف. إما il sait qu'il est ضعيف لكن c'est فقط pour renforcer ou pour citer une faïda, ou il a pour lui pensé qu'il était hassan ou sahih, et d'autres ulama yukhalifuna et le dha'af. Ça arrive. Lakin, ce n'est pas un fondement de l'islam ou un appel à une khurafa ou une bid'a. Abadan. Wa kathir min al-a'imma yuhassinun hada al-hadith. Lakin, alladhi yadhhar annahu il est dha'if. Qala Cheikh al-Fawzan fi i'anat al-mustafid wa lam يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد قوية. شيخ الفوزان رحمه الله قال أن الشيخ الإسلامي لا ست إما أحاديث صحيحة إما حسنة إما أحاديث فيه ضعف لكن لا بكو شواهد أي دي زوتخ أحاديث أو دي فيرسي دي قرآن كي مونتخ لسنس دي سو حديث دونك لباز للصحيحة المعنى لكن في الإسناد ين ضعف وهذا c'est connu عند المحدثين. قال أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. أما حديث موضوع مكذوب كخالف التوحيد فلا. لا شيخ الإسلام رحمه الله c'était إمام في السنة. هذا مجرد فائدة par rapport à ce hadith ضعيف. Et فضل لا إله إلا الله واضح أن لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان. Ça montre أن التوحيد il est ثقيل في الميزان. فالسلوي qui veut réussir يوم القيامة, qui veut que la balance elle penche en sa faveur يوم القيامة, qu'il fasse des efforts في توحيد الله عز وجل. ثم قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم الحديث صححه أو حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أي حديث كي يغسمب في صحيح مسلم إلا سيتي المحقق في الحاشية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى pour montrer مناسبة الحديث للباب أن في هذا الحديث فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب. فلهذا dans le titre شيخ الإسلام قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إلى ست حديث أبي سعيد وكذلك حديث أنس رضي الله عنهما pour te démontrer أن من أعظم فضائل التوحيد parmi les bienfaits, les mérites de Hadith Tawhid, annahu ça efface les péchés, bi'idnillahi azza wa jal. Qala anna fihi bayan fadl kalimati tawhid, أو لا أن في هذا الحديث فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب فهو مطابق لقوله في الترجمة وما يكفر من الذنوب. فهذا ما يتعلق بالأدلة. والشيخ سعدي رحمه الله سنقرأ كلامه إلى لخص هذه الفضائل في كلام جميل. قال رحمه الله: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. Donc après avoir cité l'obligation du tawhid, Cheikh al-Islam il a cité هذا الباب avec ses preuves. On a cité pourquoi il les a cités هنا rahimahullah pour te démontrer les bienfaits, les mérites de هذا التوحيد. Après avoir cité l'obligation, les mérites pour t'encourager, pour te montrer que c'est pour toi, Akhil Karim. هذا الإسلام c'est pour nous. On doit faire attention aux ennemis de l'islam qui salissent هذا الدين ليلا ونهارا. Ils ne connaissent pas هذا التوحيد. Ou بعضهم ils le connaissent et ils le combattent. Ils détestent هذه الشريعة, ils détestent هذا الإسلام. لماذا؟ لأنهم سد كفرة. أما المؤمن يجب عليه أن يعتز بهذا الدين. هذا التوحيد سأفضل نعمة. لا ينبغي أن نغتر. On n'a pas le droit de pencher ou de penser أن الكفار المشركين sont على الشيء. Même s'ils ont des choses في هذه الدنيا. فتحت لهم أبواب الدنيا. Pourquoi؟ لأن الدنيا عند الله ملعونة. الدنيا عند الله صبوغيا. Si elle aurait de la valeur cette dunya, فالله سبحانه وتعالى il aurait pas donné au kafir. ولو شربت ماء كما جاء في الحديث، ولو انغرجدوا. لكن هذه الدنيا ملعونة كما جاء في الحديث، elle est maudite. فلهذا الله سبحانه وتعالى il l'a donné au kuffar. أما نحن il nous a donné هذا التوحيد. هذا التوحيد إلى دي فضائل عظيمة. فلهذا المؤمن كي كوني هذه الفضائل il va être reconnaissant. Et il va savoir qu'il vit dans une ni'ma. Et ça va le pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala bimahabbatin wa raja'in wa khawf. Il va adorer Allah bimahabba. Pourquoi? Il sait que c'est pour lui. Allah khalaqa wa hada. Et il lui a tout donné. Il lui a donné hadhi ni'ma. Et il lui a promis a'azam al-jaza. Al-jannah si il meurt ala hada tawhid. Et الكفار يفعلون كل من يزكّتهم هذه النعمة. وبعض المؤمنين ربما يغترون حتى البعض يحس أن بعض العبادات أو plutôt هذا الإسلام ça nous pousse. أو à cause de cet islam on est arriéré, on n'avance pas. أو بعضهم certaines عبادات ربما c'est lourd, ils n'arrivent plus à les appliquer. لماذا؟ لأن il y a une faiblesse في التوحيد. Si tu prends l'exemple de l'mar'a al-muwahhida al-muslima, elle porte le hijab, c'est une ibada azima, et elle ressent de la mahabba. Et cet islam, elle se soumet, et c'est totalement de sa volonté, contrairement à ce qu'ils essayent de propager al-kafar. Et بعض ربما الغافلات الجاهلات تصدق هذه الدعوة. أما الموحدة qui connaît son dîn et qui connaît هذه الفضائل, elle sait que هذا الحجاب c'est un fruit parmi les fruits du tawhid. لماذا elle porte le hijab? لأنها الله إلا أدوري إلا كريك pour l'adorer. Parmi les adorations, الحجاب pour la femme. قال رحمه الله: فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. Tout le bien de cette dunya, c'est un fruit parmi les fruits du tawhid. ثم إذا détailler شيئا ما قال: فقول المؤلف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام. أين الخاص أين العام؟ قوله dans le titre وما يكفر من الذنوب, c'est une partie d'une chose globale qu'il a cité. C'est quoi la chose globale, plus large, plus générale, hein? Là, on est dans le titre là. فضل التوحيد. فضل التوحيد c'est quelque chose de très vaste. Parmi الفضائل تفضل يا ماذا؟ تفضل. يدخل الجنة؟ لا. تكفير الذنوب. وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام. العام فضائل التوحيد. التوحيد إلى بوكو دو بيان في. Parmi ces bienfaits, تكفير الذنوب. خاص على عام. قال فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة إلى السيتي دي أحاديث حديث أنس حديث أبي سعيد d'autres dans d'autres livres bien sûr. قال فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج الكروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. ما من إنسان ويعاني في هذه الدنيا. On est tous touchés par des épreuves, par de la tristesse dans certains cas. هذه الدنيا سيدار الفتن والمحن. Pour te soulager, أخي المؤمن, هذا التوحيد. C'est un سبب عظيم لتفريج الكروبات. وكشف الغمة. هذا التوحيد. Celui qui a un tawhid qawi, ça va lui ouvrir les portes dans beaucoup d'abwab. Hadha Cheikh al-Islam, il a cité tous ces hadiths, tous ces abwab, il a rassemblé dans ce livre. قال ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثال. نعم يا أخط هنا لعل الصواب مثقال حبة مثقال حبة خردل كما في الحديث. نعم il manque un qaf dans notre nuskha. قال إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. C'est la faïda qu'on a cité sur دخول النار. دخول النار ça peut être pour un temps et ça peut être éternellement. دخول الجنة ça peut être directement et ça peut être après un passage في النار عياذا بالله. Tout ça ça dépend du tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid du tout عياذا بالله il est في النار. Celui qui a mis en pratique ce tawhid il a un tawhid قوي il rentrera directement fil jannah. Celui qui faisait partie des mouahidin, lakin il avait des faiblesses dans ce tawhid, à cause de certains péchés, innovations, il a affaire, il peut se faire châtier. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. تقدمت معنا الآية. كي سكي لا ريبيت تفضل. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالسلوي كي veut être guidé. Et la guidée, on a cité في الدنيا. Et il veut comprendre les choses. لماذا بعض الناس ne comprennent pas? Plus l'insan s'écarte du tawhid, plus il ne comprend pas certaines choses. أحيانا pour le musulman, il y a des choses claires. عند الكافر, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on fait siyam? Pourquoi on ne mange pas telle viande? Pourquoi on fait salat? Bah, les koufars, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se posent des questions. Les malades, les anhommes, ils n'ont pas été guidés. Iyadam billah. Al-Mu'ahid, ils comprennent. Plus l'insan, il fait des efforts fit tawhid, plus il sera guidé, il comprendra. Kadhalik al-hidayah yawm al-qiyamah. لأن الهداية هدايتان. الهداية في الدنيا être guidé sur le Coran et le Sunna والهداية يوم القيامة أي quand on sera tous sur le sirat. Celui qui a fait des efforts في التوحيد plus son tawhid il est قوي plus il passera rapidement sur le sirat كما جاء في الحديث. أن les gens ils passeront pas tous à la même allure. C'est quoi la différence? C'est l'iman ou le tawhid. Celui qui veut être guidé في الدنيا et في الآخرة كذلك être préservé des châtiments de la tombe, du jour du jugement, tous les supplices, tous les tourments, فهذا يحقق التوحيد et le chemin lui sera facilité jusqu'à الجنه. Et le chemin il est long, tu as cette vie أولاً jusqu'à ta mort, ثم après la mort tu as toute l'étape de la tombe, ثم la résurrection, ثم يوم القيامة ce jour qui durera 50 000 ans. Et la dernière étape الصراط. Toutes ces étapes si tu veux que ça soit facilité, fais des efforts fi tawhid. Et c'est ça, fil haqiqa, l'avenir. Alors, les gens, d'aïman, ils pensent à l'avenir et ils font des efforts. Fil haqiqa, c'est des choses pas très importantes de umur ad-dunya. Bien sûr qu'il ne faut pas négliger à 100%. Lakin, On ne doit pas se mettre à 100% fi hadha la. Mets-toi à 100% fi tawhid et Allah subhanahu wa ta'ala sayfta alayk. Sayfta alayk, que ça soit au monde dunya ou l'akhira. Enfin, la base c'est hadha. Tout le reste ça vient après. Ah, mais celui qui inverse cette base, c'est plus une priorité pour lui, enfin, il se fera du mal par rapport à son éloignement. Qala ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري إلا cité في الحاشية أبو هريرة إلى demandé au prophète صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu: As'ad an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Fa celui qui veut profiter de shafa'at Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam applique at-tawhid. Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qad shafa'a pour les mouhidin, les mu'minins. Amma ba'd an-nas ifal ash-shafa'a al-an ifun du shirk. Wa ba'dhum yadamand au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est du shirk, t'as pas le droit de demander à autre qu'Allah. النبي صلى الله عليه وسلم مات إنك ميت وإنهم ميتون. بعض الناس pour avoir الشفاعة الآن ils sacrifient pour des tombes, ils vont voir des sorciers, ils vont voir ce qu'ils appellent الأولياء والصالحين, ils font التواف autour des tombes, tout ça pour avoir الشفاعة. Et في الحقيقة leur shirk il fait que les éloigner de الشفاعة. أما المؤمن الموحد qui veut الشفاعة يحقق هذا التوحيد. من قال لا إله إلا الله, ça suffit pas un قول, خالصا من قلبه, sincèrement avec son cœur. Et ce qui prouve cette sincérité, c'est l'amal. Annahu la yushrik billah azza wa jalla. Qala wa min a'zam fadailihi anna jami' al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batina mutawaqqifa fi qabulha wa fi kamalha wa fi tarattub ath-thawab 'alayha 'ala at-tawhid. Fa kullama qawiya at-tawhid wal ikhlas lillah kamulat hadhihi al-umur wa tammat. Et ça c'est un fadl 'azim. Anna toutes ces œuvres qu'on fait min salatin وذكر وصيام وحج وتلاوة et toutes les ibadat, pour que ces œuvres elles soient acceptées عند الله, il y a une condition principale, c'est التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. C'est ça le short. أما أعمل qui n'est pas voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas accepté. Abadan. Qala azza wa jal, il a cité quelques preuves, al-muhaqqiq, qawluhu azza wa jal, wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'an manthura. Allah, il n'accepte pas. Hada al-amal, qui n'est pas fondé sur le tawhid, sur la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyama, il n'accepte pas. قال عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشركة. Celui qui fait عمل pour autre que moi qui associe avec Allah سبحانه وتعالى, قال عز وجل تركته والشركة. Je le délaisse, lui et son shirk. Et il n'accepte pas son عمل. هذا c'est un فضل عظيم. أخي المسلم, fais attention tes œuvres de ne pas les gaspiller, de ne pas les perdre. بعض الناس كما لا يخفى, ils font beaucoup d'efforts pour préserver leurs biens. Wahada, c'est haq. Tu dois faire des efforts pour préserver tes biens, préserver ta santé, préserver tes enfants, préserver ta maison. Il y en a, si tu ne fais pas attention, Obama, des gens qui te veulent du mal, ils t'enlèvent ces choses. Donc tu dois faire l'asbab. Fa'alam anna ta'amal, que ce soit ta salat, ton tawhid, le hajj que tu as peut-être fait, al-athkar que tu récites, al-siyam que tu fais chaque année, c'est encore beaucoup plus important. Limada, li'anna, ça sera ton capital yawm al-qiyama. Yawm al-qiyama, c'est pas un jour où tu peux te sauver avec de l'argent, comme a fait dunya. Ou tu peux acheter des choses avec de l'argent. Abadan. Yawm al-qiyama, c'est le hasanat wa siyat. C'est pour ça que, ahl sunna yu'minun, anna yawm al-qiyama, il y aura la balance. Cette balance, c'est quoi qui va l'alourdir? C'est l'amal. Pour toi, et ça peut l'alourdir d'un autre côté contre toi, bissi'at, comme le hadith al-bitaqa, qu'on en a parlé juste avant. Fahafidh ala hadhi al-a'mal. Et pour préserver hadhi al-a'mal, t'as pas besoin de payer quelqu'un. T'as pas besoin de les cacher là. Pour préserver hadhi al-a'mal, écarte-toi du shirk. Et yawm qiyama, tu les retrouveras. Falihada, ba'd an-nas, ils trouveront des montagnes de hasanat yawm qiyama, salat, wa dhikr, wa hajj. Les gens ne trouveront rien. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ils ont fait des أعمال فجعلناه هباء منثورا. Pourtant ils ont fait, لكن c'est pas accepté. تستفيد من هذا الناس, c'est pas tous ceux qui font qu'ils auront la récompense. Là, ceux qui auront la récompense, c'est ceux qui font بإخلاص. كذلك, une deuxième condition qui est essentielle, المتابعه, suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أما faire sincèrement et inventer des choses بدين الله, des bid'ah, محدثات, des innovations, des inventions, فهذا كذلك العمل il n'est pas accepté. قال ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسلي عن المصيبات فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات. إذا سين فضيلة عظيمة أن الموحد كي توحيد قوي العبادات والطاعات c'est très simple pour lui. لماذا؟ لأن il a une chose qui le motive, il a une chose qui le pousse, c'est son cœur. Vous avez remarqué que ta'at, c'est pas avec le physique. Tu trouves Adel Nas, il peut faire du sport pendant 2 heures, ou 3 heures par jour. As-salat, c'est des harakat. Tu te mets debout quelques minutes, ou à ruku', ou à raf' min ruku', ou à sujoud, inclinaison, prosternation. Il n'arrive pas à faire ces mouvements, l'imad. L'imad, c'est trop lourd pour lui. Obama, il porte des charges lourdes dans son sport, très lourdes, et il prend un plaisir. As-salat, il peut pas. C'est quoi la différence? Alors que tu peux trouver un vieux parmi les vieux, min al-muslimin, min al-muahidin, il fait des heures de qiyam al-layl. On ne parle même pas de salat obligatoire. Et il prend du plaisir. C'est l'iman. C'est le tawhid. كذلك المنكرات. Tu trouves بعض الناس, ils ont de la force physiquement. Lakin, il n'arrive pas à délaisser une chose qui lui fait du mal. Prends l'exemple de la cigarette. Il perd son argent. Il se fait du mal à sa santé. Et ça lui fait du mal à son din. L'yanna, c'est haram. Il n'arrive pas. Pourtant, physiquement, il est qawi, il est akhir. Tu trouves un mouhid min al-mu'minin, rubbama, il délaisse des grosses sommes d'argent. Lillahi azza wa jal. Mathalan, il y a de l'usure, al-riba, c'est de l'argent haram. Quelqu'un lui a offert, lakin c'est haram, et il délaisse. Lillahi azza wa jal. C'est quoi al-quwa? Tu retires de tout ça, c'est quoi al-quwa? C'est al-tawhid. Et c'est ça qu'on doit travailler. Et c'est ça, en fait, qui a été négligé. Comme les gens, ils font beaucoup de sport ou des régimes pour entretenir leur corps et ils donnent probablement pas une minute pour apprendre le tawhid. Tu les trouves, c'est min adhaf an-nas. Une épreuve. Et yafshaloun. Amma celui qui donne du temps à hada, ça l'aide à appliquer cette parole, on la répète, وَيُسَلِّي عَنِ الْمُصِيبَاتِ. Quand il musiba, la perte d'un enfant, la perte de bien, ah oui, il se fait attaquer injustement, Obama, il se fait enfermer injustement, il a son tawhid, et il sait que c'est ابْتِلَى مِنْ ابْتِلَى إِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ, et il est récompensé, et يصبر, ça passera. قَالَ فَالْمُخْلِصْ لِلَّهِ فِي إِيمَانِهِ وَتَوْحِيدِهِ تَخُفْ عَلَيْهِ الطَّاعَاتِ لِمَا يَرْجُو مِنْ ثَوَابِ رَبِّهِ وَرِضْوَانِهِ ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. المؤمن الى سميزان. S'il fait des adorations, il peut se faire récompenser. Il se fera récompenser بإذن الله عز وجل. يقينا. Et si il fait une معصيه, un péché, il peut se faire châtier. إذا شاء الله عز وجل. Enfin, c'est ça son ميزان. C'est pas le regard des gens. Comme من الناس الآن. Et ça, c'est une tarbiya des awam qui sont écartés du ilm. Ils ont éduqué une génération. Ils ne regardent que les gens. Ils font le muslimin. Pourquoi? Ils font as-siyam, aqsad. Pourquoi? Ils font siyam. Pourquoi? Il y en a les gens. Tout le monde le fait. Ça ne se fait pas de ne pas le faire. Aïna tawhid. As-siyam, c'est pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tu les trouves, ils font siyam et ils font pas salat. Alors que la salat, ça passe avant. بعض العلماء يقولون أن celui qui délaisse son salat, son siyam, il n'est pas valide. Bel, ça fait plus de lui un musulman, il perd son iman et son tawhid. لماذا؟ لأن le regard des gens. أما التوحيد, ça va t'aider ce mizan. Ce que Allah il aime, عز وجل, fais-le. Ce que Allah il déteste, délaisse-le. Même si les gens il l'aiment et ils te critiquent, لا تبالي. قال ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. صحيح. par rapport au tawhid. Bar de nas, ils sont attirés par les ma'asi et ils ont du mal à délaisser. Ils ont une faiblesse dans le tawhid. Et ils ont du mal à faire les wajibat. Bar de nas, c'est l'aks. Al-muhidoun. Al-khullas. Ibadullahi azza wa jal haqqan. Ils détestent le ma'asi ou le fisq. C'est très facile de délaisser pour eux. Il y en a où ils détestent ça avec leur cœur. Et ils aiment al-ta'at. Ils ont beaucoup de facilité à appliquer. قال ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيها المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. الموحد قوي لماذا؟ لأنه إلى إيمان جازم يقين أن الله لا تدكريته إساس من التوحيد. Enfin, s'il est éprouvé par quoi que ce soit, il patiente. Amma, ceux qui ont un tawhid faible ou qui n'ont pas du tout de tawhid comme Al-Kafara, fala yasbiru. Loupama, une petite chose et il met fin à ses jours. Limada li annahum, il leur manque cette ni'ma azim. La meilleure arme, akhil karim, c'est al-tawhid. C'est l'arme la plus bénéfique pour le mu'min. Lakin hada tawhid, on répète, c'est pas qu'une kalima que tu prononces là. C'est quelque chose qui s'apprend. Et هذا التوحيد c'est des kalimat, c'est une croyance et كذلك c'est la mise en application. قال ومن اعظم فضائله انه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعليق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لاجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. Ça c'est parmi اعظم الفضائل. قال يحرر التحرير c'est le fait de te libérer. تحرير رقبه libérer un esclave. Tahrir min riq al-makhluqi. Ay, tu seras libéré, tu seras plus esclave des gens, ou de ce qu'ils pensent, ou de leur opinion. Ou avoir peur d'eux. Qala wa khawfihim wa raja'ihim. Ou espérer d'eux. Li'anna man ta'allaqa bil makhluq yafshal. Celui qui s'accroche et qui espère des gens ou qui a peur des gens, yafshal. Amma, celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il est qawi fi tawhid, et il sait anna ar-razzaq, c'est Allah. Anna, celui qui donne, c'est Allah, ça lui facilitera tout cela. On peut donner l'exemple, une ibada azima, al-hijra. Limada ba'd an-nas, wa nas'alullah azza wa jal, an yaftah ala ikhwanina wa yusahil lil jami'. Pourquoi certains, on a du mal à faire la hijra ou à patienter? C'est un problème fi tawhid. Là, t'avons un al-hijra, c'est avec l'argent. Là, tout ça, c'est des asbab. Et il ne faut pas s'accrocher à ces asbab. Même si tu les mets en application, et il faut faire des asbab, bien sûr, là, qu'il ne t'accroche pas. Mais celui qui s'accroche au asbab, qui espère, il attend Foulan, ou il espère que Foulan il lui donne, ou il a peur, telle situation. Je ne vais pas de trouver de travail, je ne vais peut-être pas manger, il a akhiré. Ah, il aura beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala amrana bil hijra et wa'ada ibadahu azza wa jal wa la yukhlifu al mi'ad, que celui qui fait le hijra, yafta' alayh. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman kathira wa sa'a. Celui qui est qawi at-tawhid et connaît ce verset, il sait que Allah il a promis, celui qui fait l'hijra fi sabilillah, Allah il ouvrira les portes de dunya wal akhirah, pas que de dunya. Et on le voit, walillahi alhamd, nos frères. Allahum, ceux qui ont fait l'hijra, t'es éprouvé ahyana, et Allah subhanahu wa ta'ala yaftah al-abwa. Tu manges comme les autres, tu t'habilles comme les autres, tu vis rubbama ahsan minhum. Limada, li'anna, tu peux appliquer ton din et tu as al-amn qui est cité dans le verset qu'on a lu. C'est ça la différence. Faites attention de ne pas mélanger khasatan dans le domaine de la hijra. La hijra, ce n'est pas un projet professionnel. La hijra, ce n'est pas une situation économique, financière. La hijra, c'est une ibadah. Les sabab, laisse-les à leur place de sabab. Et la ibadah remplit les conditions. Ikhlas wa mutaba'a. Et si tu veux les provisions, la meilleure des provisions, c'est taqwa. Et taqwa, c'est tawhid. C'est ça ta provision pour le hijra. Mais le reste, ça vient, ça part. Et si tu es qawi fi tawhidik et tu as la provision essentielle qui est taqwa, ta hijra, incha'Allah, tu avanceras. Bi idnillah hatta tamut. Amma Mais le reste, c'est des détails. قال ويكون مع ذلك متألها متعبدا لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إياه وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. Il craint que Allah. Il a peur que de Allah. Il se rabaisse que pour Allah. On peut donner un autre exemple, le travail. Dans ce travail, tu ne peux pas faire as-salat. C'est un travail grave, en fait. Allah il nous a créé que pour l'ibada. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré un amoud de cette ibada. Le pilier de cette ibada, as-salat, comme le hadith Mu'ad, radiyallahu anhu. Comment ce makhlouq va m'empêcher de faire as-salat? En fait, c'est cette question qu'on doit se poser. Ce n'est pas comme certains y font. Annahum, ils cherchent des facilités, ou ils se rabaissent, ou ils la délaissent complètement là. Annahu, il n'a pas le droit de me délaisser. Et au lieu de délaisser ce salat, qui est très très grave, je délaisse ce travail et Allah subhanahu wa ta'ala me facilitera un autre. Et comme mes ikhwa, ils ont délaissé un amal où tu ne peux pas faire salat, ou Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi. Limada? Parce que c'est tawhid qui facilite à la personne dans ce cas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les portes. C'est un sabab. Tu travailles pour lui, tu travailleras pour un autre, un salih qui fait salat avec toi et qui te facilite. Et alhamdulillah. Lakin, ahyanan, pourquoi on a peur? Et pourquoi on n'ose pas faire le pas? Que ce soit pour l'hijra, que ce soit pour faire salat, ou pour faire le hajj. Il y a beaucoup d'exemples. C'est une faiblesse fi tawhid. Akhi al-Karim, si tu veux être qawi dans ton din, travaille et tawhid. C'est pour ça qu'on conseille souvent nos frères, ne négligez pas tawhid, même si tu apprends l'arabe. Apprends tawhid. Rabbaman, ce tawhid, c'est lui qui va t'aider à finir tes douloureuses d'arabe. Comme mes ikhwa, ils ont voyagé pour apprendre l'arabe, ils ne patientent pas. Il manque la provision principale. Wa min a'zam wa anfas al-kutub, kitab al-tawhid li shaykh al-islam. Al-kutub al-mu'allafa wa illa afdal kitab, bien sûr, c'est le Coran. Qala wa min fadailihi allati la yalhaquhu fiha shay. أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة وفي حديث البطاقة التي فيها حديث أبي سعيد رضي الله عنه تقدم معنا فيه ضعف لكن الحديث خاصة الفان كي لو رانفورس الشيخ سعدي لا سيتي هنا حديث البطاقة قال فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب كل سجل يبلغ مد البصر 99 registres mali abidhunub wal ma'asi. Cet homme. 99 registres mali abidhunub wal ma'asi. Il a fait beaucoup de choses. Et il a la ilaha illallah haqqaqaha. Il l'a dit avec ikhlas. Il avait la conviction sûre. Il n'a pas fait de shirk. Il a adoré Allah seul. Tout ça, ça a été plus lourd que tous ces dhunub. Ça, c'est min a'zam al-fada'il. Alors, les nas, masakin, ils perdent leur temps pour l'istighfar dans des adhkar muhdatha. Kassoufiya ou tablir ila akhir. Ils perdent leur temps dans des ibadat. Et ba'dahoum, ils font des sacrifices d'argent. Et ils se fatiguent. Et fait le haqiqa, ils perdent leur temps. Wallahu musta'an. Amma al-muwaffaq, c'est celui qui met en application hada tawhid. Il a tout gagné fi dunya wal akhira. Qala wa dhalika li kamal ikhlas qa'iliha wa kam mimman yaquluha la tablugh hadha al mabla li'annahu lam yakun fi qalbihi min al tawhid wal ikhlas al kamil mithl wa la qareeb mimma qama bi qalbi hadha al 'abd intaha. Lakin kathirun min al nas aw kathiran min al nas n'am yidiz hadha al kalima hadhihi al kalima et elle n'aurait pas utile comme hadha al rajul. Ça nous montre que ce n'est pas tous ceux qui disent « La ilaha illallah yastafidoun ». Et même si on dit que « yastafidoun », ils ne sont pas tous au même degré. Enfin, plus l'insan, il est mukhlis, il la met en application et s'écarte de tout ce qu'il a contredit, « fa incha'Allah yastafid min hadhi al-kalima al-azim ». Hadhi ba'd fada'il al-tawhid qu'il a cité Cheikh Abd Rahman al-Sa'di, rahmatullah alayhi. Et le dars prochain, إن شاء الله انفرأ الخلاصة أما الآن ذهب الوقت Enfin, vous avez remarqué que Cheikh Saadi, rahimahullah, il explique al-bab min hayth al-jumla. Il n'explique pas tous les adils. Et en fait, c'est une façon tayyiba. Et nous, wallahi alhamd, au départ, on essaye de citer al-munasaba et certaines fawa'id. هذا الشرح il est jamil, jiddan. C'est un imam min a'immat al-sunna qui l'a écrit. فَالْعِنَايَةُ بِمِثْلَ هَذِهِ الْكُتُبِ لِيَنَّا سُدْرَسِ فالحقيقة chaque دروس ça sera comme ça, on va retirer une faïda azima, c'est de faire des efforts fit tawhid. Vous verrez à chaque fois, et de s'écarter du shirk. Et tout ça c'est fondé sur l'ilm. Et bien sûr la mise en application. Léana, tu ne peux pas mettre en application une chose, même si tu l'aimes, lakin tu l'ignores, ou tu ignores les détails. فالحقيقة on retire à chaque fois qu'il faut apprendre et faire des efforts fit tawhid, et parmi les meilleurs livres, المكتوبة أي من autre que le Coran Karim bien sûr, Kitab al-Tawhid. Et parmi les explications les plus simples, les plus résumées, les plus bénéfiques, cette explication de Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, bien sûr sans négliger les autres. Naktafi bihad al-Qadr. Ala kulli hal, révisé. Et ce qu'on n'a pas pu faire réciter par faute de temps, inshallah le prochain dars au samedi, et à la Koulihal, on essaye d'être régulier. Et les frères qui n'ont pas compris une mas'ala, inshallah le prochain dars, ils demandent, ou yata'awanoun ma'al ikhwan, les frères qui ont des facilités, qui comprennent plus, inshallah ils s'entraident avec leurs frères. Amma al-kitaba, les fawa'id qu'on récite là, tout'aib nafsak. Mathalan, quand on dit Cheikh Al-Uthaymeen qal, munasabatul hadith, ou Cheikh Al-Fawzan, ça viendra, fil haqiqa. Si tu peux résumer, le jour où tu as compris le kitab et tu veux aqwa l'ahl al-ilm, tu prends al-mulakhas de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ou le qawl mufid de Cheikh Al-Uthaymeen et il cite en général le munasaba et tu l'as recopié. L'essentiel c'est de comprendre, et si on interroge de participer valihada et rester attentif. Mais si tu écris, tu prends trop de temps à écrire, tu ne peux pas écrire et écouter et répondre en même temps. Là, les fawaïd qu'on cite, nous on vous donne le marji'. Et inshallah, tu te feras un daftar. Dès que tu as fini, tu reprends al-matn et tu écris, mathalan, tel hadith, pourquoi Cheikh l'Islam il a cité, c'est quoi le rapport avec tawhid. Et tu recopies la parole d'un savant. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, ya'tana bihada fil mulakhas kathiran. Naktafi bihada. Subhanak, Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.